quand j'ai moi, je suis pressé à combat. Je m'en bats les couilles de quitter, donc ne cherche pas un seul drap. Je rappe comme je le sens, rouge comme le sang. Je reste vulgaire, même si les radios ne jouent pas mon son. Pas le temps à perdre avec les miches donneuses. Si tu baisses pas, pétage, je te pète les yeux. Je m'en bats les couilles, même si t'es une meuf bien et seule. Moi, je veux juste te baiser, donc parle pas d'amour, sœur. Je m'en bats les couilles de ce rap game à la con. Ces MC qui font les stars, mais n'ont pas un seul rond. Rien à foutre des bling bling strass paillettes. J'aime que les choses vraies, de toute façon j'suis pas à l'aise. M'en bats les couilles de savoir d'où tu viens. Si tu me casses les couilles c'est bâtard, tiens. M'en bats les couilles tes propos, beau bar mytho. J'm'en bats les couilles ton ghetto, j'te trouverai s'il y a blême pas. Avant artiste, j'suis un mec du bitume. Et donc j'serai dans la crise, j'suis garé mes habitudes. Raconte pas ta vie, qu'est-ce que t'as à faire, vite ta vie. J'm'en bats les couilles. C'est le quartier ghetto cri, j'm'en bats les couilles. Même si t'es une boîte tu dis, j'm'en bats les couilles. J'm'en bats la race, j'm'en bats les murs. Si tu kiffes pas le son, j'm'en bats les couilles. Si ça plombe chez What tu dis, j'm'en bats les couilles. Si la rage était un daledi, j'm'en bats les couilles. Saint-Joseph. Le toast mal abri à les Schmitt, m'en bats les couilles. Eux ils me fouillent sous les couilles, je reste cool. L'officier joue les oufs, pressionne, nique sa mère, je m'en bats les couilles. Dès qu'il taille mon bise, roule petit, on y retourne. Un bolos passe, il prend une carotte, normal, c'est son métier. Le mien c'est de la mettre et de nos jours y'a plus de pitié. Et en bouille, tu veux qu'on se bouille, m'en bats les couilles. T'es douille ou arrache ta mère, on voit la cagoule. Je te fais ça comme une vraie caille, ligue et son austère. M'en bats les reins, moi gamin, j'ai trop la dalle. T'as un gun, pourquoi tu parles? Mon arme roule, tire ou ferme ta gueule. Ta life, m'en bats les couilles, un coup de pompe dans ta mère, la pute, qu'est-ce tu me casses les couilles? T'as la haine, ta meuf sous mes boules. Te vexe, ça me met tout mon tien car lui a donné le boule. Mamzelle, tes oreilles ont mal, on s'en bat les couilles. C'est pas assez pisse, on n'est pas des mecs cool. Nous, notre style, c'est je m'en bats les couilles. On s'en bat les steaks, de la sarc au clic des steaks. Bientôt tout pète comme en mai 68. Alors, coupe les yeux des porcs à la hachette. Coupe les têtes à la machette, on fait le 20h en vedette. Si tu viens le quartier qui est ton cri, je m'en bats les couilles. Même si t'es une go, tu dis je m'en bats les couilles. Raconte pas ta vie, qu'est-ce que t'as fait? J'm'en bats les couilles. La rage était un daledi, j'm'en bats les couilles. J'm'en bats la race, on s'en bat les murs. Si tu kiffes pas le son, on s'en bat les couilles. Si tu viens le quartier qui est ton cri, j'm'en bats les couilles. Même si t'es une go, tu dis j'm'en bats les couilles. Raconte pas ta vie, fais ce que t'as à faire. Vite ta vie, j'm'en bats les couilles. Si ça plombe chez What tu dis j'm'en bats les couilles. La rage était un daledi, j'm'en bats les couilles. J'm'en bats la race, on s'en bat les murs. Si tu kiffes pas le son, on s'en bat les couilles. Taj Mahal à la preuve. Ok. Les mecs du 91 ils s'en battent les couilles. Les mecs du 92 ils s'en battent les couilles. Les mecs du 93 ils s'en battent les couilles. Les 17ème Nord on s'en bat les couilles. Wesh Diarra. Ouais. Patolo. Wesh. Street musical en foire et c'est Saint-Joseph.